Chapitre 45e. Angèle, au contraire, s'éveilla plus tard que de coutume. Elle se hâta de faire sa toilette avec la vague impression qu'elle avait manqué à son devoir. Elle éprouvait en même temps une sorte d'impatience nerveuse qui la faisait frissonner par moments. Prosper viendrait ce jour-là, pourvu qu'elle ne fût pas obligée de le voir. Au moment où elle piquait la dernière épingle dans les tresses de ses cheveux d'or, la sonnette retentit. Elle se sentit assurée que c'était lui. L'oreille fine, elle écouta. Dans le salon, un bruit de chaise, puis la voix de sa mère, plus grave que de coutume. Une voix dont le timbre allait jusqu'au fond de son âme répondit quelques paroles. « C'est lui, » se dit Angèle, qui sentit son âme et sa volonté lui échapper. « C'est lui, que vais-je faire si l'on m'appelle ?» La porte s'ouvrit doucement. « Angèle, » fit Madame Lagarde, « viens un peu. » Elle obéit mécaniquement comme si elle n'eût plus été qu'un automate et entra dans le salon sans lever les yeux. « Angèle, » dit Prosper. Il lui tendait la main, les bras peut-être. Elle resta immobile, contraignant ses yeux à rester baissés, ses mains demeuraient à son côté, souffrant indiciblement, et sentant pourtant avec une joie secrète qu'elle était maîtresse d'elle-même et que puisqu'elle n'était pas tombée dans ses bras au premier moment, c'est qu'elle était plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Angèle, » reprit Prosper, « votre mère vous a dit que je suis venue vous demander d'être ma femme ?»« Oui, » répondit-elle sans le regarder. « Eh bien, chère Angèle, vous acceptez ?» Elle luttait un instant avec elle-même, puis se contraignit à parler. « Et Marianne ?» dit-elle d'une voix si changée qu'elle était méconnaissable. « Marianne vous aime, Marianne est heureuse, son vœu le plus cher est de nous voir mariés. » « Pauvre Marianne !» firent les lèvres d'Angèle, mais elle ne proféra aucun son. « Je l'ai vue, » continua Prosper. « Elle m'assurait que son plus grand désir était de vous voir, ma femme. »« Oui, » fit Angèle en inclinant la tête. « Elle est assez bonne et assez généreuse pour aller jusque-là. »« Eh bien, chère Angèle !» Elle secoua négativement la tête. « Comment ? C'est qu'à Prosper vous refusez ?»« Je refuse, » dit la jeune fille. « Angèle !» « Pense à ce que tu fais, » dit Marie. « Tu n'as pas réfléchi. »« J'ai réfléchi, maman. Je ne puis pas épouser Prosper. »« Mais pourquoi ?» s'écria le jeune homme confondu. « Vous n'avez donc pour moi ni estime ni amitié. J'ai de l'une et de l'autre beaucoup plus que vous ne le croyez. » répondit la jeune fille en levant les yeux pour la première fois sur son ami. « Mais je ne puis pas vous épouser. » « C'est-à-dire que vous ne voulez pas. Je ne veux pas. » Elle baissa la tête, car les yeux de Prosper lui étaient tous en courage. Le jeune homme, interdit, fit quelques pas dans le salon, puis s'arrêtant devant elle. « Angèle, vous aviez beaucoup d'affection pour moi, est-ce vrai ?»« C'est vrai, » dit-elle la tête toujours inclinée. « Vous savez que vous me rendrez très malheureux si vous refusez de m'épouser. »« On se console, » dit lentement la jeune fille, en pressant d'un mouvement imperceptible ses mains l'une contre l'autre dans son angoisse. « Je ne me consolerai pas. » reprit Prosper, vous désolez mon existence. Elle leva les yeux pour lui dire, et celle qui pleure là-bas, celle qui s'est résignée peut-être par excès d'amour pour vous, la comptez-vous pour rien? Mais ses yeux seuls parlèrent, absorbés dans sa pensée, il n'en comprit pas le reproche muet. Angèle, reprit-il, ceci est incompréhensible, se peut-il que votre cœur soit changé à ce point? Elle resta immobile. Je vous croyais fidèle et sincère, Angèle, continua Prosper, affolée par la douleur. Elle baissa la tête un peu plus pour cacher les larmes qui venaient d'emplir ses yeux bleus. « Serait-il possible que vous m'eussiez oublié au point d'en préférer un autre ?» reprit le jeune homme presque en colère. « Non, » fit Angèle, « mais je ne dois pas vous épouser, je ne vous épouserai pas. » Il allait répondre et protester. « Ayez pitié de moi, » continua-t-elle, « voyez ce que je souffre moi-même. Épargnez-moi des chagrins inutiles. « Retournez à Beaumont, Prosper. Oubliez-moi et soyez heureux. On m'a dit que vous êtes riche. Tant mieux. Vous n'aurez pas à lutter avec les petits ennuis de la vie. Vous direz à Marianne que je l'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur, vous entendez? Et que je mérite la grande amitié qu'elle m'a toujours montrée. « Angèle !» s'écria Prosper en essayant de la retenir. Elle se déroba par un mouvement gracieux et rentra dans sa chambre. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda le jeune homme à Marie Lagarde. Quand il se vit seul avec elle, « Je ne comprends pas, » fit lentement celle-ci. « Usez de votre influence, » reprit le jeune homme, Usez même de votre autorité, madame. Il est impossible qu'elle s'entête dans un refus qui ferait son malheur et le mien. J'essaierai, fit Marie. C'est un étrange caractère de jeune fille. J'essaierai, je vous le promets. Prosper se retira la mort dans l'âme. L'accueil que Marie lui avait fait la veille avait encouragé en lui toutes les espérances. Il tombait de son ciel en se voyant refusé par Angèle au moment où les obstacles semblaient aplanis. Il courut retrouver son ami Servin pour conférer avec lui de cet accident extraordinaire. « Y comprenez-vous quelque chose ? » dit-il quand il eut terminé son récit. « Oui et non, » répondit le brave homme. « Cette petite fille a une plaie au fond du cœur. Si on savait laquelle, on pourrait essayer de la guérir. Mais il est à craindre que, si l'on se trompe, on en fasse une seconde à côté de la première, et ce ne serait pas le moyen de la ramener à la raison. » Après avoir conféré longuement, ils s'arrêtèrent d'un commun accord à deux résolutions. D'abord, qu'on allait écrire à Marianne pour lui apprendre l'incroyable résultat du voyage de Prosper à Paris, et ensuite, que le lendemain, Servin ou Prosper, peut-être les deux ensemble, renouvelleraient leur tentative auprès de la jeune fille. « Je lui ferai peut-être entendre raison, » dit Servin. « Je ne suis qu'un vieux loup, mais la confiance en moi. Laissons-lui la journée pour s'apercevoir qu'elle a eu tort. » Après une nuit sans sommeil, Servin et Prosper se décidèrent à laisser le premier tenter sa démarche tout seul. Ils allèrent ensemble jusqu'à la porte de la maison, et Servin se dirigea vers la loge de la concierge, pendant que son ami se promenait dans la rue de façon à être appelé s'il en était besoin. « Madame la garde, » demanda Servin. « Elle est partie hier soir pour la campagne avec sa demoiselle, » répondit la brave femme. « Partie, vous en êtes sûr ? Ce n'est pas pour tout de bon ?»« C'est pour tout de bon. » À 5 heures, elles sont parties avec une petite balise. Quand reviendront-elles? Je n'en sais rien, elles ont emporté la clé. Mais leurs lettres, elles ne reçoivent pas de lettres. Et puis ce n'est pas votre affaire, dites donc, monsieur. Servin, repoussé avec perte, sortit et traversa la rue pour regarder les fenêtres. Elles étaient closes, rien n'annonçait que l'appartement fût habité. Eh bien, fit Prosper, qui arrivait rapidement à sa rencontre. Eh bien, elles sont parties, répondit Servin, véritablement zabois. « Oh, mais je les retrouverai, ou je ne m'appelle pas Servin. » Après un instant de réflexion, il ajouta. « Si j'étais vous, moi, je m'en irais raconter tout ça à mademoiselle Marianne. Il me semble que nous n'en sortirons pas sans elle. »